On pourrait peut-être dire un mot des invités d'honneur du festival. Alors, Volontiers. Scotty, qui est une personnalité qu'on connaît bien, et puis oui, que j'adore. Eric et Ramzy, personnalité, ça fait beaucoup parler cette invitation. Oui, c'est vrai qu'on sent un petit peu loin du monde de l'animation. Vous avez remarqué que j'aime bien qu'on parle du festival et que cette présence d'Eric et Ramzy fait parler du festival. Ah, beaucoup. Ça c'est certain, ah, c'est quand même formidable. Si c'était le but, c'est très réussi. C'est très réussi. Dans le monde de l'animation. Et alors figurez-vous que je pense que de très nombreux journaux et de très nombreuses personnes dans le public seront heureuses, mais très heureuses, qu'Eric et Ramzy viennent à Annecy. Alors, pourquoi Eric et Ramzy? Bien entendu, la question est posée, elle est évidente. Elle part d'un principe de base, qui est que, et vous l'aurez constaté comme moi, de plus en plus, les films d'importance, les gros budgets américains, font appel pour leur voix originale, mais aussi pour les voix doublées, à des vedettes. Grande vedette ou petite vedette. Au point même qu'on en arrive à cette absurdité totale où on a, par exemple, sur Gang de requins, sur l'affiche, le nom des gens qui ont fait les voix aux États-Unis, donc, je sais plus, Belushi, comme d'habitude, toujours les mêmes, quand on va au cinéma, évidemment, on n'entend plus les voix de ces gens-là, puisque les films sont doublés. Et on entend les voix, alors là, il est marqué en bas, Eric et Ramzy, Alain Chabat et la voix de... machin. Donc, ce phénomène-là est un phénomène qui, je vous le dis, mais je crois que vous en êtes bien conscient, me surprend. Je me surprends à penser qu'il y a des gens qui vont voir des films d'animation parce qu'ils savent qu'aux États-Unis, c'est Tom Hanks qui a fait la voix de truc, même s'ils savent qu'ils ne l'entendront pas. C'est un truc à 3 ou 4 niveaux de réflexion. Moi, personnellement, ça me semble... vraiment, je sais mais pas. J'en suis sûr, puisque les services marketing continuent à le faire. C'est donc forcément, ils ont testé ça et ils ont noté l'efficacité de cette démarche. Alors, Eric et Ramzy font partie des gens qui sont les plus sollicités au niveau des voix en ce moment. C'est des effets de mode, bien évidemment. Mais au-delà de ça, Eric et Ramzy s'investissent très fort en ce moment sur des projets à venir liés à l'animation. Ils croient beaucoup à l'animation. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que je pense qu'ils le feront eux-mêmes. Ils sont pas les seuls en ce moment. Non, bien sûr que non, ils ne sont pas les seuls. Mais de ce fait, si vous voulez, je trouvais amusant qu'en plus, ils s'associent, ils sont très proches de Éric Bergeron, Bibo Bergeron, qui est l'un des réalisateurs de Gang de requins. Donc, qui sera au jury aussi. Donc, si vous voulez, il y a un ensemble, il y a une dynamique française qui part de voix très étranges, très improbables. Évidemment, Bibo, c'est logique, c'est normal, il revient en France et il va faire des choses formidables. Ah tiens, Eric et Ramzy, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'ils viennent et qu'ils nous racontent. Moi, je trouve ça formidable. Je veux dire, des gens qu'on n'attend pas et qui viennent nous raconter, c'est génial. Parce que si c'est des gens qu'on attend et qui nous racontent d'habitude, je vous ferai remarquer qu'ils ne sont pas au jury. Je n'ai pas été jusque-là. Et pour moi, c'est quelque chose de relativement peu concevable que des gens qui n'ont jamais fait leur preuve, ou ni même la preuve de leur investissement en profondeur dans l'animation, participent à une quelconque sélection, à un quelconque palmarès. Mais néanmoins, ils ont cette envie d'y aller, ils ont cette envie de parler, donnons-leur la parole, on jugera après. En tant qu'invité d'honneur, parce que c'est pas invité d'honneur, c'est invité spécial. Invité spécial. Oui, c'est totalement différent. C'est tout à fait différent. Cette année, nous n'avons ni président d'honneur, ni invité d'honneur. D'accord, donc ce sont des invités spéciaux. Ce sont des invités, si vous voulez. Alors, on a invité spéciaux parce que... Ah oui, mais alors invité, mais okay, parce que vous invitez d'autres gens. On invite d'autres... eux, c'est des invités spéciaux. Voilà. D'accord, tout comme Gottlieb. Oui. Pourquoi Gottlieb, alors? Parce que Gottlieb est quelqu'un qui a fait de l'animation. Très peu. Gottlieb est quelqu'un qui aime l'animation, beaucoup, qui nous a dit que ça le passionnerait de venir à Annecy, de venir découvrir ce qu'est devenu Annecy. Il a participé à de très nombreuses éditions dans le passé. Et quelque part, quand Monsieur Marcel Gottlieb nous fait cette demande-là, en toute humilité, en toute sincérité, je me dis c'est formidable. En même temps, je dois dire que la présence de Gottlieb risque de nous éclairer sur un certain nombre de passerelles qui existent entre l'animation et la BD. Évidemment, Gottlieb est plus connu pour ça, pour les publications, les journaux. C'est très intéressant, tout ça est très imbriqué. Je pense que c'est quelque chose d'assez passionnant, dont on discute d'ailleurs très régulièrement dans le cadre du festival. Mais c'est un autre avantage, c'est que souvent, invités d'honneur ont tendance à écraser le festival de leur présence. Si c'est des trop gros, le mec arrive, on va faire un gros cordon de sécurité, et puis machin. Ça, c'est Cannes. Annecy, c'est pas l'anti-Khan, mais c'est pas Khan en tout cas sur ce registre-là. Gottlieb, il va venir avec son cabas et son chapeau, s'il pleut, et puis il rentrera comme tout le monde et il sera un spectateur parmi nous. Il n'en demande pas plus, et je trouve ça absolument formidable. Je trouve et que Eric c'est Ramsey aussi. C'est Eric Ramsey. Qu'est-ce que vous voulez dire avec Eric et Ramsey? Comment peut-on prévoir ce que vont faire Eric et Ramsey? J'essaie de discuter avec eux de ce qu'ils ont envie. Ils ont envie de tellement de choses que je pense que ça risque de nous apporter de nombreuses surprises et de nombreux éclats de rire. Peut-être ça risque d'en énerver certains. Ce sera à moi un petit peu de les canaliser certainement. Mais en tout cas, laissons-leur la parole. Ils ont des choses à nous dire. De la même manière que probablement des gens qui regardent des séries que par ailleurs on méprise, ont vocation, bon, on méprise parce que c'est de l'industrie, c'est de l'abattage, etc., ont vocation à venir nous dire, mais voilà pourquoi je regarde ces films-là. Pourquoi tu regardes cette série qui est quand même très très très très moche et peu imaginative et tout ça. Mais si quelqu'un venait nous dire, mais vous savez, c'est parce que moi, on est cinq dans la famille et puis il y a deux moyens, il y a deux petit, il y a mon père, il y a un truc, et puis, bon, il y a eu un seul poste de télévision, donc il faut bien qu'on se mette d'accord. Alors on s'est mis d'accord sur ce plus petit commun dénominateur qui est cette série qui, certes, est bête, truc, mais elle en gêne le moins possible. Voilà. Mais si quelqu'un vient me dire ça, je trouverais que c'est quelque chose de formidable, parce que je pense que c'est effectivement le cas. Je pense qu'il y a des... Voilà, malheureusement, le plus petit commun dénominateur s'installe aujourd'hui comme l'outil marketing massue essentiel. C'est contre cela que se bat justement un festival comme le nôtre, mais aussi l'AFCA et aussi bien des gens pour essayer d'affirmer la diversité des animations. Mais au fond, c'est pas parce qu'on ignore une règle que cette règle n'existe pas. Oui, et puis on pourrait dire que ces séries parfois bêtes et parfois peu ambitieuses, on va dire, ont formé quand même des générations de futurs spectateurs. Ah mais absolument, absolument. À l'époque, c'est aussi son rôle. Mais vous avez totalement raison. Dans les années 80, quand Dorothée, Azoulay et Berda font arriver en France, parce qu'ils coûtent pas cher, parce que c'est acheté à la tonne des dessins animés japonais, on dit oh là là, c'est moche, truc. Voilà. Bon, mais il n'empêche que c'est par là qu'est entrée la culture et le goût d'une certaine animation dont on constate, enfin, dont les générations modernes, ceux qui avaient 5, 10 ans à l'époque et qui aujourd'hui en ont 25 ou 30, donc c'est eux qui sont aux manettes d'une certaine manière, ils ont eu le goût formé pour cela et ils se rendent compte qu'il y a des choses absolument formidables. Alors évidemment, c'est pas Albator et machin, mais quelque part, il n'y aurait pas eu cette marche importante, probablement la pénétration de l'animation d'Extrême-Orient dans le monde ne serait pas aussi grande qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc voilà, toute médaille a un côté pile et un côté face. Bien sûr. Est-ce que c'est pas dans votre rôle aussi d'avoir, pour le Festival d'Annecy, des choses qui vont toucher un plus large public, pas simplement les gens qui sont passionnés par l'animation? Effectivement, on peut parler de la présence d'Eric et Ramsey, une politique d'avant-première, de films d'ouverture, de festivals qui sont des grandes productions qui vont toucher toujours un large public. Et l'année dernière, c'était Tokyo Godfathers. C'est vrai que c'était... Oui, c'est vrai. Ouais. Et en l'an 2000... Enfin, néanmoins, il y a une présence importante et peut-être nécessaire pour la politique du Festival d'Annecy, de ce genre de choses, d'éléments phares qui vont accrocher, je suppose que c'est pour accrocher la presse, les médias, public un peu plus large, qui n'a pas l'habitude d'aller voir des courts-métrages. C'est pas pour accrocher, c'est pour rendre compte de la diversité, c'est aussi pour montrer aux gens... des choses qu'ils peuvent comprendre. Je vous donne un exemple. On a, évidemment, c'est le 60e anniversaire de la fin de la guerre, de la libération des camps, et on a un programme d'une heure et demie sur l'Holocauste et la libération des camps. Si on passe ces programmes-là le soir sur le lac en accès gratuit pour tous les annéciens, ils vont nous dire mais qu'est-ce qu'ils nous montrent? Ils ne comprennent pas, c'est des discours très sophistiqués, c'est une animation très élaborée, ça n'a aucun sens de montrer ces films-là à ce public-là, ils ne le comprendraient pas. Donc il faut évidemment essayer de mélanger les publics et d'ouvrir le panorama de chacun d'entre nous. Néanmoins, chaque film a son public. Je ne doute pas qu'Eric et Ramsey auront plus de succès sur le papier, donc sur le lac, c'était ces projections nocturne devant le public. public d'Annecy qui vient en accès libre. Enfin, c'est des trucs absolument merveilleux. Et je suis sûr que ça va être formidable. Ils vont faire des clowns et ils vont nous raconter leurs projets. Ils vont peut-être nous montrer des extraits de ce qu'ils ont envie de faire. Enfin, bref, ça va être quelque chose d'absolument incroyable. En même temps, s'ils font ça. Mais pour ces gens-là, ça va être une rencontre formidable. Oui. Mais vous faites ça à l'intérieur du théâtre, le jour de la soirée d'ouverture ou le jour de la soirée de clôture avec tous les professionnels de l'animation, etc. Je comprendrais qu'ils n'entendent pas ce genre de choses. En même temps, soyons clairs, les professionnels du cinéma qui sont là à l'ouverture, à la fermeture, c'est aussi eux qui signent un chèque à Eric et Ramzy pour qu'ils viennent faire le doublage de leur film, pour que leur film soit des succès au box-office. Donc, faut quand même arrêter de se cacher derrière son doigt. Il n'y a pas le yin et il n'y a pas le yang. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué pour moi. C'est plus compliqué. La perception de la réalité de l'animation est plus complexe. Je vais vous donner un exemple que je regrette, que je déplore. Bill Plimpton, qui est, bon, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, ça fait partie, c'est l'un des porte-voix, l'un des porte-drapeaux d'une certaine animation indépendante aux États-Unis, qui a un trait très libre, qui a un style très reconnaissable, et qui, à deux ou trois reprises, s'est hasardé dans le long métrage. Il a fait un long métrage qui a été sélectionné l'année dernière, qui s'appelait Hair High, et qui a obtenu des critiques pratiquement unanimes lors de sa sortie, là, il y a quelques semaines. Et bien, R.I. a été un vrai échec au niveau des salles. Donc, si vous voulez quelqu'un qui, pour nous, est un symbole et quelqu'un de très fédérateur... C'est une des rares stars à Annecy. Voilà, tout à fait. Ben, quand on le retrouve dans les salles avec cette rencontre auprès du grand public, alors que c'est en France qu'il a d'habitude les meilleurs résultats, eh bien, les résultats ne sont plus là, ne sont pas là. Ça aussi, c'est une réalité dont il faut que moi, en tant que directeur artistique, je tienne compte, pas qu'elle me soit une règle, mais c'est l'un des critères qui rentre dans le champ évidemment extrêmement vaste de mes critères de décision. Parlons-en du public. J'ai l'impression que le public a pas mal évolué ces dernières années. Enfin, moi, je suis du festival depuis 1998, donc j'ai vu quand même une évolution au niveau du public. J'ai l'impression que le public est de plus en plus impatient. Alors peut-être que c'est moi qui vieillis, ou alors est-ce que c'est le public. Ça, c'est possible. Le public est moins concentré, peut-être il y a un peu des deux, c'est possible. Néanmoins, c'est vrai qu'on sent des agacements qui viennent facilement, des publics qui se dissipent. Oui, etc. Ça a été un problème l'année dernière. Et notamment l'année dernière, effectivement, j'étais marqué par ça. Des films un peu difficiles, un petit peu longs, les gens. Alors, souvent s'en allaient, très vite, encore. Acceptable pour ceux qui restent, mais parfois faisait effectivement était très très dissipé, c'était assez pénible pour ceux qui avaient envie de voir le film. Oui, c'est vrai. Vous savez, j'ai une expérience parallèle. L'autre jour, je suis allé dans un multiplex et j'y ai constaté la présence de certaines personnes qui rentrent dans la salle, qui ont payé, qui ont une carte d'accès libre, ils peuvent aller voir autant de films qu'ils veulent dans le mois. Alors ils rentrent dans la salle et puis au bout de 5 minutes, ça les embête. Ils prennent leur téléphone, ils appellent un de leurs copains qui est dans l'autre salle, et à toute voix, exactement comme s'ils étaient devant une télévision, ils disent « Écoute, là je suis en train de regarder le film, là c'est vraiment nul, je te propose qu'on se retrouve dans 10 minutes devant le stand de popcorn, et puis on va aller voir l'autre film, tu vois. » Et en fait, ils doivent passer leur journée à ça. C'est un nouveau public. Une consommation zapping. Rousseau, dans son Bon Sauvage, disait que le premier qui a mis une clôture autour d'un champ et qui a dit « Ce champ est à moi », portait sur lui tous les malheurs du contrat social. Peut-être celui qui a inventé la télécommande portait la responsabilité bien tragique d'une dérive totale du style de consommation de l'image en règle générale, et évidemment dans l'eau de l'animation en particulier. Le public change, je n'y peux rien. Comme le disait W.C. Fields en 1935, ce n'est pas parce qu'on dit « ferme la porte, il fait froid dehors » qu'il fera moins froid dehors quand on aura fermé la porte. Donc, je peux interdire aux gens de se lever, mais ça n'empêchera rien. Ils se lèveront tout de même parce qu'ils en ont pris l'habitude. Je pense malheureusement que c'est un peu pareil partout. Sauf à demander aux gens de venir en smoking et d'éteindre un petit peu cette flamme de spontanéité et d'irrévérence qui font, je crois, la richesse de la rencontre. Alors, cette année, j'ai prévu un certain nombre d'annonces, un certain nombre de demandes. J'ai prévu de communiquer beaucoup autour du fait que j'aimerais mieux que les gens manifestent entre les films, ça ne me pose pas de problème, et que quand la salle s'éteint et jusqu'au moment où elle se rallume, on ait le respect total et de l'œuvre et de l'auteur, et évidemment des gens qui, à nos côtés, font partie du public et veulent voir le film jusqu'au bout, pour moi, c'est quelque chose qui va sans dire. Apparemment, ça va de moins en moins sans dire pour certaines personnes. Je le constate avec vous. Je vais essayer de corriger le tir. Mais effectivement, le public d'Annecy est dissipé. Le public, en règle générale, dans le spectacle comme partout, se dissipe de plus en plus. Alors, est-ce que c'est pour ça, par exemple, que systématiquement, ça m'a particulièrement frappé l'année dernière, les films un peu longs et difficiles se retrouvent en fin de programme pour permettre aux gens de sortir Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est vrai que quand il y a un film de 35-40 minutes, il peut y avoir des gens beaucoup, qui... Ouais. Ah, mais il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Mais même sur un film de 20 minutes. Non, sinon sur le reste, alors je peux vous dire, c'est totalement homogène. Et d'ailleurs, je dois vous dire que lorsque les comités de présélection totalement indépendants ont fait en toute indépendance leur choix sur les films qui seront retenus dans la sélection, je leur demande, mais à ce moment-là, je me mets avec eux, d'organiser les films pour faire eux-mêmes le dessin des séances. C'est-à-dire qu'ils mettent un film de tel genre avec un film de tel autre, etc. Si jamais je pense qu'il y a deux films qui s'entretuent, je leur dis, attendez, non, faudrait peut-être... Là, on discute de la programmation, mais globalement, non, c'est pas quelque chose qui est fait sciemment. C'était le cas l'année dernière. En tout cas, c'était quelque chose d'assez net, souvent en fin de séance de compétition, ou même en panorama, d'ailleurs. On avait un film long et un peu difficile. Non, là... Systématiquement, les gens disent, celui-là, il fait 25 minutes, allez, hop, je vais vous dire, de toute façon, il va être chiant. Non, parce que moi, ma tendance personnelle, ce serait plutôt de dire, les films les plus exigeants, autant les proposer à des esprits frais, donc il vaut mieux les passer en début de séance, comme ça, ça sert davantage le film, alors qu'en fin de séance, quand on a déjà eu 5, 6, 7 courts-métrages, on est moins attentif, ou on est peut-être un peu émoussé. Donc non, j'aurais plutôt tendance à dire que, naturellement, j'irais plutôt vers l'inverse. Par contre, il y a des choses, il y a des films qui sont très discutés, probablement parce que très discutables, ceci est la conséquence de cela. Et à ce moment-là, si par exemple, sur les trois jurys, personnes du comité de présélection, il y en a une qui tient absolument à ce que le film passe, même si les autres disent « Ah non, attends, vraiment, et qu'il emporte la décision tout de même, il est possible qu'il demande à ce que le programme soit mis en fin de séance, comme ça, s'il y a des gens qui le désapprouvent, ça dessert moins les autres films. C'est vrai aussi que si une séance est plombée par un film de 30 minutes, c'est un handicap pour tous les films qui viennent derrière, au regard du prix du jury et dans le regard et l'appréhension des jurés dans les projections finales. Donc là aussi, ce sont toutes sortes d'équilibres. Mais le phénomène dont vous me parlez là, je ne l'ai connu que pour un film qui durait 40 minutes qu'on a passé il y a 4 ans, qui était un film japonais, où effectivement, on l'a passé à la fin parce que c'était un film absolument inregardable, mais tellement sublime. Donc on l'a passé là. Et puis il y a eu aussi évidemment le Iceberg Club, ce fameux film de 35 minutes, qui était une installation d'art au départ, où là on savait qu'il était dans notre logique et dans notre légitimité de montrer le film, et ça, tout le monde en était d'accord. Par contre, c'est vrai que si on avait commencé la séance avec Iceberg Club, c'était un désastre pour les films qui venaient derrière, on ne pouvait pas se le permettre. Enfin, moi j'ai d'autres exemples en tête, je me rappelle par exemple le film de Maureen Selwood, par exemple, une année. Voilà, alors voilà, Maureen Selwood, on est exactement dans le cas que j'évoquais tout à l'heure. Le film de Maureen Selwood a été très longuement discuté, et finalement, le choix de le passer en fin de programme un lundi est un choix qui a été mûrement discuté et fait avec les membres du comité de présélection, et ça a été une des décisions les plus difficiles que nous ayons prises, et ça date d'un moment où le public à l'époque était moins irrévérencieux qu'il ne l'est aujourd'hui, et malgré cela, c'est vrai, il y a des gens qui ont dit mais attendez, c'est pas normal et machin. Le film durait 26 minutes, il y avait extraordinairement peu d'animation à l'intérieur, il faut quand même dire les choses, donc d'une certaine manière ce n'était pratiquement pas un candidat pour les awards, du fait de la faible quantité d'animation qu'il y avait dedans. Et du coup, on s'est dit, le film durant 26 minutes, si on le passe en début de séance, il risque de plomber tous les autres. C'est probablement un des arguments qui a fait mouche et qui a fait que le programme a été décidé, qu'on a décidé de proposer le programme dans cette structure-là. C'est vrai que ces films en fin de programme, c'est vrai qu'ils sont presque condamnés aux yeux d'une grande partie du public. Oui, même pour les gens qui ont envie de le voir d'ailleurs, oui, parce mais qu'ils sont un peu. Oui, mais les films sont quand même assez longs. Mais le film de Maureen, 80 minutes. Le film de Maureen Selwood n'était pas condamné, ne portait pas en lui cette force. L'année dernière, il y a eu un film allemand absolument incroyable, vous vous souvenez, avec ces créatures bizarres, et c'était exactement la même chose. Le film totalement incompréhensible, visuellement incroyable, mais fondamentalement, il y avait deux membres du comité de présélection qui ont dit « on ne veut pas voir ce film, ça n'entre pas dans notre spectre de décision », et le troisième qui a dit « mais si, il le faut absolument ». Bon. Il s'est retrouvé en fin de programme par décision commune de ces trois personnes. Donc, si vous voulez, le fait que la même décision soit prise sur 3-4 années successives montre bien qu'il y a là une logique et que on peut essayer de démonter cette logique. La logique s'impose toujours à l'arrivée. On peut parler un petit peu des longs métrages, peut-être. Ouais, bien sûr. C'est quand même un souci à Annecy. C'est vrai qu'on a souvent un problème de qualité avec la compétition de longs-métrages, même parfois les longs-métrages qui sont montrés en dehors. Bon, l'année dernière, les longs-métrages coréens qu'on a vus n'étaient pas d'une qualité exceptionnelle en général. Cette année, j'étais assez sur 5 longs-métrages européens avec quelques grands noms d'animation. Alors moi, j'ai vu aucun de ces films-là. Est-ce qu'il y a vraiment une qualité là-dedans particulière ou est-ce que c'est comme les autres années, on a des choses qui sont plus ou moins intéressantes Écoutez, c'est vrai que chaque année, les sélections en matière de long métrage sont discutées. Cette année, il y a des choses très étonnantes, géniales ou pas géniales, et il vous appartiendra de le décider. Mais il y a des choses très inattendues. Vous ne m'en voudrez pas de ne pas citer tel ou tel titre, puisque je tiens à une neutralité totale vis-à-vis des films en compétition. Mais il y a vraiment des choses très étonnantes, et des films qui viennent de petites productions dans des petits pays de l'animation, qui sont extraordinairement originaux, réussis, intéressants. Voilà, puis on discutera d'autres films, bien évidemment. Alors, mais le problème, c'est le problème du long métrage. Là encore, c'est pas moi qui les produis, les longs métrages. Et c'est vrai que le long métrage répond à des règles économiques qui sont bien différentes de celles du court métrage. On est dans des coproductions internationales en règle générale. Donc, ça avait été abordé il y a 4-5 ans dans une conférence très amusante dont le thème était pas l'originalité de l'auteur, c'est le film d'auteur est-il soluble dans la coproduction internationale, qui reprend en une ligne exactement la problématique qui s'impose à nous. Les Américains ont résolu le problème puisqu'il n'y a pas d'auteur aux États-Unis, donc comme ça c'est relativement clair. Mais bon, ici en Europe, nous avons des auteurs, nous avons une industrie qui est fortement soutenue par les pouvoirs politiques nationaux et européens. C'est extrêmement intéressant puisque ça donne des films très étonnants. Ça donne Back to Gaia, qui est un film extrêmement improbable. J'ai pas encore décidé si j'aimais Back to Gaia ou si je l'aimais pas. En tout cas, tout le monde lors de la projection avait décidé d'être, comment dire, très réservé vis-à-vis de cette production, et les trois membres du comité de présélection, qui ne l'ont pas gardé in fine parce qu'ils ont pensé qu'il y en avait 5 autres qui étaient meilleurs, forcément, ont dit, mais ce film-là, faut absolument le montrer. Donc, voilà, il y a des logiques qui s'imposent à nous. Le long métrage est plus, comment dire, c'est plus difficile d'être original dans un long métrage. C'est vrai que nous sommes aussi tributaires en matière de long métrage, de plus en plus, de dates de sortie à date fixe pour le monde entier, donc pas d'avant-première, pas de choses comme ça. Et puis des films qui ne sont pas terminés. Je voulais passer Corpse Bride de Tim Burton, il n'est pas fini. Je voulais passer Linklater, il n'est pas fini. Je voulais passer Wallace et Gromit, il n'est pas fini. Tous ces films-là, non seulement l'année prochaine seront finis, mais ils seront déjà sortis, donc quelque part on ne les passera pas à Annecy, sauf si leur producteur décide de les mettre en compétition, ou en tout cas en présélection pour la compétition. Donc, vous voyez, tout ça c'est des choix. Je ne peux montrer aussi que les films que j'ai, bien sûr, bien sûr. Non, mais peut-être aussi la production de long métrage en général n'est pas forcément ce qui est plus intéressant. Non, voilà. Et puis il y a aussi des films sur lesquels je ne me pose pas vraiment la question de savoir si ce sont des grandes réussites ou des petites réussites ou des moyennes réussites. C'est vrai qu'il y a un cocktail aussi. Il y a un certain nombre de films. Bon, évidemment, si c'est des films que je n'apprécie pas à titre personnel, ne vont pas avoir le théâtre avec 1500 personnes et patati patata. Mais il y a des films qui me semblent intéressants, qui me semblent être des réussites sur certains aspects et pas sur d'autres. Et à ce moment-là, je pense que c'est important de les montrer à Annecy aussi. Donc entre les événements qui sont des avant-premières mondiales, les films qui sont pas très réussis mais qui quelque part sont plus dans cette logique de panorama où on montre des films différents dont on sent bien qu'ils n'arriveront jamais sur le marché grand public, commercial, mais quelque part c'est passionnant de les montrer tout de même. Voilà, c'est le vivier, vous savez, moi j'ai dû voir 50 longs métrages d'animation cette année avant de faire mes choix. Et on a regardé 1500 courts-métrages, donc vous voyez un petit peu le genre de film. C'est quelque chose de totalement énorme. À la fin, on a du mal à garder le cap. Hein. Mmh. Oui, j'imagine bien. On entend beaucoup de commentaires. Bon, forcément, un festival aussi important qu'Annecy prête à la critique. Mmh. Et moi, personnellement, en tout cas, j'entends beaucoup de commentaires disant « Oui, la taille du festival est telle qu'aujourd'hui, on sent un peu perdu là-dedans. Mmh. On n'arrive plus à rencontrer personne. » On a l'impression d'être un petit peu un prétexte presque pour le festival et tout ça. Finalement, le festival ne fonctionne que pour sa propre gloire et tout ça. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de questions ? Alors moi, avec des gens qui disent, moi, j'ai plus envie d'aller à Annecy. D'ailleurs, qui sont, ils vont quand même. Mais, oui, bien sûr. Mais ça, je l'entends. Alors, justement, c'est quelque chose, et vous le retrouverez dans toutes mes communications, dans tous mes articles. Pour moi, Annecy doit rester dans l'esprit un petit festival. Nous constatons effectivement qu'il y a de plus en plus de monde, que ça devient de plus en plus difficile à gérer. Mais ça, là encore, nous sommes victimes de notre succès et je suis bien conscient de l'effet pervers. Mmh. C'est que ça donne le sentiment d'une usine à passer des films, que les gens se font la queue, un peu moins cette année puisqu'il y aura des tickets. Enfin, c'est un gros problème. Cette année, ça va. Si le système de billetterie automatique marche, c'est résolu. S'il ne marche pas, je vous raconte pas comment ça va être drôle cette année. Mais non, évidemment, cette énorme machine nous pose un problème d'identité. Moi, je pense qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne connaît pas son cap. Moi, je le connais, mon cap, c'est que Annecy reste un petit festival. Un petit festival dans l'esprit. Mais il n'est déjà plus un petit festival. Si. Dans l'esprit. Mais oui, c'est un festival à l'échelle de l'homme. Je veux dire, tous les ans, depuis 5 ans, je veux dire, tous les matins, c'est-à-dire la moitié de ma journée, je passe ma matinée à rencontrer un à un les réalisateurs qui ont été sélectionnés. Et je fais ça dans un bistrot où on sert des croissants et du jus d'orange et du café et du thé. C'est au bistrot romain d'ailleurs, juste en face. Et c'est un moment incroyable de rencontre. Et il y a de plus en plus de salles qui sont déprogrammées en matière de films pour que des gens viennent raconter comment ils ont fait ceci, comment ils ont fait cela. Il y aura Pixar qui va venir nous raconter comment ils font du court-métrage, mais il y aura aussi les gens de Hardman qui vont venir nous raconter le prochain Wallace et Gromit. Et puis il y aura des rencontres, il y a les rencontres de la CIFA, et puis il y a dans la salle Pierre Lamy, la rencontre entre les hommes. Moi j'essaye de garder ce cap du festival humain, je suis conscient de ce problème-là. Quand il y a 1000 personnes qui rentrent dans un théâtre, croyez-moi, c'est un gouvernail très difficile à tenir. Quand la dynamique part en dérive, franchement, faut être quelqu'un pour tenir le coup. Alors pour le moment, je le tiens. Le jour où le festival cédera aux sirènes du tout presse, tout communication, tout blockbuster, faire plaisir au public avant de faire plaisir aux auteurs, etc., moi, ce jour-là, je m'en vais, évidemment. Je laisse ça aux autres festivals qui veulent se donner un petit côté bon chic, bon genre, en passant deux ou trois films prétextes en matière d'animation. Suivez mon regard. Non, le Festival d'Annecy, c'est pas ça. Le Festival d'Annecy, c'est vraiment l'animation. C'est vraiment un festival de gens qui aiment l'animation. Je vois pas beaucoup d'amour dans certains festivals qui sont beaucoup plus glamour, mais qui aiment moins le cinéma. Alors, c'est un long combat. Combat. Mais écoutez, c'est pas parce qu'un combat est perdu d'avance qu'il faut pas le mener. Et je pense qu'il n'est pas perdu d'avance en plus. Donc, bien sûr. Je pense aussi qu'il faut rester très vigilant par rapport à ça. Ah, bah ça. Mais oui, mais je suis votre homme là-dessus. Évidemment. Évidemment. On est d'accord. Hein? Et puis, en plus, vous parliez tout à l'heure, vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui critiquent ce que devient le festival. Bon, entre ce que nous avons choisi d'être et ce qui s'impose à nous comme étant le voilà. Hein. De mon côté, je pars du principe, parce que je suis un démocrate, je suis quelqu'un qui aime bien la contradiction, je pars du principe que la critique est enrichissante. À partir du moment où elle est constructive, si c'est pour me dire « t'es qu'un gros C, trois points d'interrogation, ce truc », ça ne m'intéresse pas, évidemment. Mais toutes ces critiques, je les entends, je les écoute et j'essaie d'en tenir compte lors des éditions suivantes. C'est tout à fait formidable de pouvoir discuter justement d'un événement et de pouvoir corriger le tir l'année suivante. Avant, Annecy était biennuel, donc biennale, je ne sais pas, en fait, tous les deux ans. Et du coup, on perdait l'expérience d'une édition sur l'autre. Alors que là, comme on est annuel, on a des équipes qui sont pérennes, on a une quinzaine de personnes en fixe, et du coup, l'expérience engrangée dans un festival est évidemment utilisée, concrétisée et vient enrichir l'édition suivante. Donc voilà, en tout cas, croyez bien que je suis un défenseur invétéré, constant et permanent de l'animation indépendante et de ceux qui n'ont pas la voix au chapitre. c'est pour eux que le festival d'Annecy a été créé, et c'est vraiment eux les personnes les plus importantes dans le festival. Et il parmi ces personnes, d'ailleurs, il y a les spectateurs. Je vous le dis comme ça. Oui, à ne pas oublier. merci Serge Brandberg. Je crois que c'était un tour d'horizon passionnant sur le festival d'Annecy. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Et je vous dis à bientôt à Annecy, alors. Ah bah, c'est obligatoire!